Amis du monde, du cercle polaire, de Barcelone et d'ailleurs, c'est Cargo Cult. Chouette, nous y voilà. Et retour en direct pour ces sessions du samedi matin de Cargo Cult. Et heureux de vous retrouver en vrai de vrai, même si je suis tout à fait content que les rediffusions vous enchantent aussi tout autant. Mais là, on va s'attaquer à un de ces gros morceaux, c'est-à-dire un de ces plats qu'on ne veut pas manger tout de suite parce que c'est tellement bon qu'on se le réserve, quoi. Et là, c'est un plat qu'on a tous goûté et qu'hélas, on ne goûtera plus. Parce que l'un de ses artisans principaux est mort, c'est Panasonic, ou Panasonic. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sera Panasonic. Alors, on détaillera pourquoi. Sur un groupe culte, parmi les cultes, firmament de la musique électronique, mais j'ai envie de dire au-delà, quoi. Il y a un gemme qui a été atteint avec Panasonic, qui était à la fois ce que tout le monde attendait, et puis probablement, malgré cette attente, finalement, totalement inattendu, inespéré, et peut-être plus beau que dans nos rêves. Alors, on va pas manquer de compliments vis-à-vis de ce duo remarquable. Et alors, spécialement un disque, on évoquera probablement des trajectoires, mais spécialement le disque Kulma de Panasonic, qui paraît en 1997, qu'on va ausculter aujourd'hui. Ce firmament de l'électro finimaliste. On a le droit de s'offrir ce jeu de mots, parce que finalement, on ne pourra pas l'appliquer ailleurs. Alors, et bien sûr, c'est un groupe culte et un disque culte à plusieurs titres. Alors d'abord, réglons vite fait ce contentieux entre les deux patronymes, Panasonic et Panasonic. Sachant que justement ce disque Kulma de Panasonic est à la fois le dernier que le groupe va signer sous le nom de Panasonic, en l'occurrence son deuxième LP, mais c'est aussi le premier qu'ils vont signer sous le nom de Panasonic. Alors il aurait échappé à personne que l'emprunt du mot Panasonic, dûment copyrighté par les industries électroniques japonaises, a certainement fait titiller dans l'état-major de la compagnie. Et du coup, il a suffi de supprimer un A pour que Panasonic devienne pour le peu plus présentable, surtout ne court pas au procès vis-à-vis des Nippons, et devienne Panasonic. Mais ce qui est amusant, c'est que le disque du jour va d'abord sortir donc sous le nom de Panasonic, et son deuxième tirage, qui vient assez après, il ne s'agit pas d'une réédition tardive plusieurs années ensuite, c'est le deuxième tirage, lui, du coup, de manière entre guillemets contrainte, mais sans difficulté majeure a priori, lui paraîtra sous le nom de Panasonic. Et de fait, le duo gardera ce nom-là jusqu'à la fin. Alors, s'agit quoi de... Alors, c'est un duo, et alors, deuxième oraculte de ce disque, c'est effectivement le premier album du duo Panasonic, puisqu'avant, c'était un trio. Mais il se trouve qu'il y a une petite présence quand même de l'ancien membre qui est là. Donc, c'est un disque qui est parfaitement charnière, mais c'est aussi le disque qui va probablement donner le signal, l'envoi, et qui va même être le paradigme d'un style... de techno rigoriste ultra minimaliste, on n'est même plus dans la techno d'ailleurs, et qui va être la marque de fabrique de Panasonic, tout comme d'ailleurs de ses composantes séparées dans le reste de leur carrière. Alors voilà, remontons un petit peu à l'origine du groupe. Ces trois compères, Mika Vainio, c'en est la figure principale, Ilpo Valsainen et Sami Salo, qui est parti, mais qui est resté quand même un copain. Soyons francs, c'est la formule duo qui va consacrer le groupe. Assez rapidement, mine de rien, assez rapidement. Alors le groupe a une jeunesse, on va dire, un petit peu post-indus, expérimentale. Hein, ça commence d'aller à la fin des années 80. Et le groupe se forme et grandit à Turku, deuxième ville de Finlande. Turku, qu'on prononce ici comme ça. Oups. Mais quand vous êtes en Finlande, Turku, ça se dit Turku. Et le blanc qui suit Turku, pas seulement dans la langue finnoise, il est dans la culture finlandaise. On pourrait en dire plein sur la culture finlandaise. Et justement, Panasonic, ça va devenir à la fois l'étendard d'une culture finlandaise, ou supposée telle qu'elle, et en même temps son oxymore complet, si vous voulez. Mais je reviendrai là-dessus, probablement plus sur une dernière partie de Corpora. Alors, Kulma, deuxième album du groupe. J'y viens vite, je passe des éléments biographiques, mais que je placerai probablement ça et là, en discutant avec vous, de manière comme ça, un petit peu libre, finalement, sur ce disque-là. Voilà, on dit tout de suite, hein, Kulma, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre absolu, du début à la fin, du techno. C'est le premier chef-d'œuvre de la techno expérimentale. Ah, et pourtant, il y a eu des trucs pas mal avant. Hein. Mais c'est même une techno expérimentale, désolé du nom, parce que c'est par défaut qu'on va l'utiliser, mais il n'y a même pas de nom là-dessus à l'époque. En lisant un petit peu ce qu'a pu se dire sur Panasonic, et puis notamment ce disque, je vais citer François Couture, c'est un journaliste chroniqueur qui a écrit dans le All Music Guide, c'est quand même une référence absolue, plutôt américaine hein, d'ailleurs, c'est rare qu'il y ait des contributeurs français dessus, il y en a quand même, et j'aime beaucoup ce qu'il dit en disant qu'en revenant aux premiers albums de Panasonic, après quelques années, on constate qu'ils résistent à l'épreuve du temps, et on comprend pourquoi ils ont eu une telle influence et donné finalement lieu à tant de sosies. Parce que c'est vrai. Alors, ce disque, il tombe à point. Il se trouve que le groupe va séduire les Anglais, et assez vite, et finalement passer d'une existence... Alors, de l'obscur au clair-obscur. L'obscur, c'est quoi? L'obscur, c'est au départ une vie finlandaise, et notamment sur un label absolument essentiel aussi. Et l'ascension de Panasonic, finalement, est forcément liée à ce label et à son fondateur. C'est le label Sacco Recording. Alors, Sacco, qu'on prononce Sarque. Avec ce fameux O qui n'en est pas un, c'est un O barré qui n'a pas d'équivalence dans nos langues à nous, mais qui a une très belle lettre quelque part, et qui n'existe pas sur nos ordinateurs, hein, faut la chercher si vous voulez la faire. Donc Sarque Recordings, label fondé par Tommy Gunnlund, mais cofondé justement par Mika Vainio. Le premier album de Panasonic va paraître tout naturellement là. Déjà des exercices solo de Mika Vainio, et d'ailleurs qui précèdent la carrière de Panasonic. Mais il se trouve qu'une tournée en Angleterre va attirer le regard plutôt bienveillant de Mute Records. Et Mute Records, c'est important. Mute Records, c'est l'histoire de Mute Records, c'est Depeche Mode, entre autres, c'est DAF, leur début, c'est beaucoup de choses. Et il y a une division... entre guillemets, hardcore, mais le mot n'est pas juste, je pourrais dire expérimental aussi, mais il y a une division un peu âcre comme ça, un peu âpre et stridente, plutôt rock d'ailleurs, d'ordinaire, mais alors un rock vraiment qui va quand même envoyer les décibels, qui s'appelle Blast First, et qui existe finalement depuis déjà quelques temps. Et Blast First va accueillir tout à fait dignement, justement, Panasonic. Et ce premier album chez eux, Kulma, deuxième album tutélaire du groupe, mais on pourrait dire, et c'est peut-être ce à quoi je m'emploie maintenant, à dire que c'est peut-être le premier vrai album de Panasonic, et c'est le premier sous une formule duo. Kulma, c'est quand même le genre de disque pour lequel il y a un avant et un après, quoi. C'est une charnière essentielle dont le titre déjà dit tout. Kulma, c'est un mot finlandais qui définit l'angle, le coin plutôt, ou alors l'angle sous un angle de vue. Et il est chargé d'une radicalité salutaire. Et c'est peut-être pour ça que Panasonic va trouver son public finalement très vite après avoir quitté le label mère finlandais Arke Recordings. Et je le disais, tous les albums qui vont suivre ensemble hein, de Mika Vainio et de Ilpo Väinäsen vont être construits sur une trame complètement similaire à celle de Kulma. Et ce qui fait que Kulma est séduisant, c'est qu'il rend la mutation extrêmement importante que va connaître la musique électronique et la techno à ce moment-là, il la rend limpide. Il la rend évidente sans la rendre facile. Et c'est pour ça que ce disque est vachement important. C'est grâce à Mika Vainio, c'est grâce à Väinäsen que l'électro de la nouvelle génération va enfin côtoyer l'arrière-garde électronique post-musique concrète, si vous voulez. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fera jour un petit peu plus tard, notamment à l'invitation de Christian Zanesi, de Mika Vainio et du guitariste lui autrichien Christian Fenez, avec qui ils vont partager l'expérience, la bien nommée expérience GRM Experience. Et ça, il fallait l'acter à un moment quelque part. Alors cet acte, il était dans l'air, faut pas mentir non plus. Il était dans l'air chez des gens comme Aphex Twin, comme Out of Care, mais il est totalement dans l'air aussi, et peut-être plus justement, significatif, plus évident, plus limpide, avec Panasonic. Autre truc qui fait de Panasonic un groupe remarquable, c'est que est totalement le chantre de ce minimalisme électro. Je me permets ce jeu de mots. Parce que oui, il est... On s'englisse pas chez Panasonic. La preuve, les titres. Donc Kulma, je le disais, le nom de l'album qui définit un angle de vue, mais aussi tous ces titres, alors que j'ai m'évertué à prononcer minablement, mais vous m'en voudrez pas. Très peu prononceraient mieux que moi, d'ailleurs, sauf peut-être quelques-uns. Hein. Clin d'œil à Hic, il pourra m'aider, comme ça, si vous voulez, à me souffler dans l'oreillette, mais à part que j'en ai pas. De Rastamo. Lyoten, Vapina. Oh, je fais exprès de traîner les syllabes, parce que toutes les syllabes, toutes les lettres se prononcent en finlandais. C'est un langage à la fois difficile et pas tant que ça, parce que dès qu'il y a une lettre écrite, vous la prononcez. Jakso, Ashmo. Celui-là, je dois le prononcer minablement. Voilà. Donc, je vais vous aider, je vais les traduire. Enfin, je vais les traduire. J'étais un petit peu aidé en ligne. Te Rastamo, c'est un abattoir. Motori, qui ferme d'ailleurs le disque, c'est un moteur. Et alors, c'est assez récent, parce qu'effectivement, les titres des morceaux, finalement, évoquent le son. Et il y a un rapport comme ça, extrêmement direct, et finalement pas si complexe que ça, entre le « weir » et le contenu. Il y a une grande particularité, enfin il y en a plus d'une d'ailleurs, mais la vraie particularité de Panasonic, ça va être de faire un son proprement incroyable, à la fois avec des machines, entre guillemets, ordinaires, mais aussi un instrumentarium électro, alors là tout à fait bigarré et strictement personnel, et qui va d'ailleurs pas être strictement de leur fait. Chaque pochette de Panasonic est un régal de minimalisme austère où la moindre information n'existe pas. Et alors quand vous en voyez une toute petite apparaître, ça veut dire quand même que waouh, il faut aller creuser et voir ce qu'il en est. Et il se trouve que sur l'album, à la fois vinyle comme CD Kulma, observe aujourd'hui, disque donc qui paraît en 1997, il y a une promo copie dès la fin 96, mais le disque existe véritablement en 97. Y est mentionné un troisième larron, qui n'est a priori pas musicien du groupe, qui est Jari Lehtinen. Or, Jari Lehtinen, c'est quelqu'un d'important parce qu'il va fabriquer des machines totalement inédites qui vont, avec lesquelles vont jouer le duo. Alors, c'est des machines... C'est du homemade, hein, mais qui est inspiré par les synthés analo des années 60 et au-delà, 70 aussi, beaucoup inspiré du travail de Erki, Alors, Arki, c'est un peu, c'est le grand savant fou, un peu méconnu d'ailleurs, il faut le dire, finlandais, qui a été extrêmement important dans la musique électronique et même la computer music. Un gars par ailleurs qui était un vidéaste expérimental. Je pense qu'on a un petit peu de temps en fin d'émission, je viendrai un peu sur lui. Mais le Jari Lehtonen, qui est lui alors plus jeune, qui est la génération de Mika Vainio et puis de Valsainen, et va donc faire des petites machines détournées en fait, et construire des instruments qui sont basés sur des oscillateurs et des filtres avec des potentiomètres rotatifs, tout ce qui est de plus ordinaire, j'ai envie de dire, mais qui va loger dans des objets usuels complètement détournés. Une machine à écrire, une boîte à cigares, différentes petites boîtes à tiroirs, style les boîtes, les ustensiles de pêche, par exemple, quoi. Et du coup, l'instrument va prendre le nom de l'instrument lui-même et de l'objet lui-même. Donc, le typewriter, la cigar box, la fishing box. Alors, il y en a même qui est très étonnant, il y en a un qui s'appelle le John Holmes. Le John Holmes. On disait John Holmes en France. Je ne vous dis pas tout de suite qui c'est. Je décris l'instrument d'abord. Le John Holmes, c'est un tube à infrasons qui fait 6 mètres de long, même au-delà d'ailleurs. Vous imaginez un peu ? Or, John Holmes, c'est quelqu'un dont l'immense Brackmar, oui, j'ai bien dit Brackmar, va lui donner gloire. C'est la grande et la première grande porn star masculine donc du cinéma porno des années 70. Vraie célébrité dont l'instrument de travail est légendaire. Probablement pas de 6 mètres de long, d'ailleurs. Pas le temps de re-regarder la filmographie, mais c'est plus petit, dans mon souvenir. Bon, voilà, y a de l'humour chez Panasonic. Voilà, preuve qu'il y a de l'humour. Légèrement pipi-caca, d'ailleurs, mais il y a de l'humour qu'il faut parfois chercher et surtout comprendre. Parce que justement, ça c'est aussi un truc, voilà, c'est ce duo-là, venu du froid, d'une ville qui est effectivement, a priori, Helsinki, a priori, c'est moins glamour et funky qu'Ibiza, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Et ironie du sort, d'ailleurs, il se trouve que Panasonic va mener sa carrière, en fait, plutôt... c'est pas par hasard d'ailleurs que je dis Ibiza, parce qu'ils vont la mener plutôt d'Espagne, en l'occurrence de Barcelone, que strictement de la Finlande. Donc méfions-nous comme ça des strictes idées reçues sur vous venez du froid, vous êtes froid, vous venez du chaud, vous dansez tout le temps. Bah non, c'est pas si simple. Méfions-nous aussi de l'idée reçue qui consisterait à penser que Panasonic n'est que radicalité. Pas du tout. Il y a énormément de grâce chez Panasonic. Il y a des mélodies feintes, et parfois même non feintes. Il y a des boucles comme ça qui apparaissent de derrière le nuage, presque par erreur d'ailleurs. Mais du coup, elles ont peut-être encore plus de charme que si elles étaient comme ça, campées de manière très, très volontaire et démonstrative, quoi. L'instrumentarium de Lehtinen va donner un son assez incroyable au groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils se tournent aussi des instruments classiques. Ils utilisent finalement aussi des machines du commerce, quoi. J'ai presque envie de dire le touvement de l'électronique japonaise du moment, notamment une MPC 2000 de Akai. Donc c'est un sampleur, un séquenceur aussi, avec des pads. Je voyais dernièrement une photo avec en arrière-plan un Korg MS-20, peut-être MS-10 aussi. Ça aussi, c'est une machine un peu titulaire de ces années-là, d'avant même. Et une Roland TR-808, une TB-303, ça s'entend. Peut-être plus chez Vainio, seul d'ailleurs, dans son disque Métrie. Ouais, je m'offre un petit parallèle comme ça avec des disques comme ça qui entourent ce disque-là du jour, le Kulma de 1977. Donc oui, on trouve du chaud-froid permanence dans ce disque-là, une esthétique ascétique, mais complètement chargée d'énergie électrique. Électrique, peut-être plus qu'électronique. Électrique. Il y a du beat, mais évidemment, il n'est pas super démonstratif. Quand bien même, l'album se construit finalement autour de deux titres et les technos assez forts. Alors, est-ce que c'est une techno qui se danse? Pas strictement. Mais pourtant, elle est extrêmement groovy. Et l'ensemble devient de l'électronique au sens vraiment le plus pur qui soit, quoi. C'est une vraie forme de vie qui est faite d'oscillateurs, de filtres, de transistors. Voilà, une vraie vie électronique qui part de rien pour arriver à faire un monde, quoi. Et croyez-moi, ça, c'est même pas que ce soit difficile, c'est peut-être miraculeux, quoi. Bienvenue dans ce miracle et bienvenue chez Panasonic. Thank you. Thank you. Ça s'appelle une fin, non ? La conclusion de Koulma, donc, cet album du jour de Panasonic d'abord, et puis Panasonic ensuite. Mootori. En finnois dans le texte, donc, et vous l'aurez compris, moteur avec cette allure extrêmement vrombissante, indus et techno, enfin une frontière, par-delà une frontière, quoi. Je reviens sur la structure de l'album, parce qu'effectivement, il s'ouvre avec un titre, entre guillemets, vaguement techno, et puis je pense qu'il se conclut avec un titre, là encore, vaguement techno, puis il faut le dire, avec du beat, qui appelle à la danse, il y a une TR-808 sur le truc, mais évidemment, on entend clairement au milieu, et c'est spécialement le son dominant de ce moteur, justement, les fameux instruments, si vous voulez, qu'on fait la personnalité du groupe. Et qui, pour le peu, ont été construits par leur pote Jari Lehtinen, quoi. Et la structure de l'album, qui va faire foi et que probablement on n'avait pas vu avant, n'importe quel disque électro y compris, et finalement se construit plus ou moins sur une progression graduelle, jusqu'à faire monter la sauce, quoi. Un peu comme s'orchestrer un DJ set. Or là, non, on crée le trou. On crée l'absence. Et c'est peut-être le culot majeur de Panasonic. Et moi, à la réécoute de ce disque, quand bien même les deux premiers morceaux sont aimants, totalement flamboyants, c'est vide de l'intérieur qui provoque l'émotion. Avec des morceaux ultra expérimentaux, il n'y a pas expressément de beat. Cela dit, ça ne veut pas dire que la pulsation soit absente. Au contraire, elle est là. Elle est probablement même doublement sublimée parce qu'elle est en arrière-plan. Elle est même mentale, finalement, au bout d'un moment. Et c'est là que se font entendre des espèces de merveilles, de sons qui sont plus ou moins fantomatiques, quoi. Et je lisais dans vos commentaires, il y avait un de vous qui écoutait ces disques dans le métro. C'est exactement ce que je faisais à l'époque. Il y avait deux disques avec lesquels je faisais ça à l'époque. C'était effectivement ce disque de Panasonic. Et c'est au même moment, probablement même un peu avant, le premier album de Basic Channel. L'un et l'autre inventaient une forme de techno ultra minimaliste, mais finalement qui allait au-delà. Et qui faisait du bruit une amie. Qui faisait du bruit à un complice, et pas forcément dans ses retranchements justement brutistes, mais dans une forme d'au-delà, quasi poétique, il ne faut pas avoir peur de le dire, et à révéler dans le bruit une grâce qu'on ne savait pas entendre d'habitude. Or, quand ces bruits-là et cette grâce-là croisent dans une expérience d'écoute au Walkman, comme je le faisais à l'époque, mais comme ça se ferait aujourd'hui avec un baladeur MP3, quand ça croise le son ambiant, et a priori les sons mécaniques du métro ou d'un moyen de transport, ça marche encore mieux. C'est là que c'est encore plus magique. C'est là que se font entendre les fantômes qui ne demandent qu'à vivre, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer autrement, quoi. C'est une vraie grâce. J'ai retrouvé une note écrite à l'époque sur... alors, on est au début d'Internet, on est en 97, l'Internet est là, si quand même, mais il n'est pas diffusé et surtout pas codifié comme aujourd'hui. Et le public électro, les DJ, etc., ce sont tous sur une ligne, une liste de diffusion qui s'appelle Earthlink, earthlink.net, qui a fait date, hein, d'ailleurs. Et à l'époque, on lisait de la part de Galaxy, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo, et sur une liste de Earthlink.net, ou sur la liste IDM, dite IDM de l'époque, c'est-à-dire Intelligent Dance Music. Et Galaxy écrivait en juin 1997, je traduis, et d'ailleurs, ce n'est pas très sympa, « Ok, j'ai finalement écouté mon premier disque de Panasonic, Koulma, comme nous aujourd'hui. Est-ce que toutes les sorties de Panasonic sonnent comme ça ? Avec un énorme point d'interrogation. J'espère que non, parce que c'est de la merde. Qu'est-ce que les gens de Mute peuvent bien penser de ça ? Un titre n'est rien d'autre qu'un son passant par une pédale de flanger. N'importe qui peut faire ça. Une autre piste sonne comme un filtre auto-oscillant. C'est quoi ce bordel ? Disait Galaxy. Ah, ben c'est pas faux, mais Galaxy avait rien compris, mais comme plein d'autres à ce moment-là. Et d'autres avaient compris. Et notamment, et ça, mais c'est pas étonnant d'ailleurs, mais il y avait quelques stars de l'époque ont eu un coup de foudre. Et ça a notamment été le cas de Björk. Il se trouve que Björk, en 1997, à l'année même de la sortie de Kuma, bah, je pense que c'est exactement à ce moment-là qu'elle sort, elle, son album homogénique, produit par Mark Bell, la moitié de LFO. Et ils disent que voilà, Björk était star déjà depuis presque toujours, j'ai envie de dire, mais là, ça la consacrait. Et la BBC s'était entichée de produire une série documentaire autour de Björk, et pour le peu très ambitieuse, pour plusieurs volets. Et un de ces volets s'appelait « Modern Minimalist ». Pas besoin de traduire. Et Björk nous amène justement à la découverte de ces minimalistes modernes et post-modernes, en tout cas électroniques et pas que. Et il y a justement une scène absolument étonnante, et c'est une grande partie du documentaire, où Björk va se rendre en visite chez Mika Venio et chez Tommy Granlund, fondateur de Sarco Recording, à Barcelone. Et j'insiste sur le fait que ça se passe à Barcelone. Je le disais, ces gens qui sont, alors, pour les uns, d'origine de Turku, deuxième ville du pays en Finlande. Le label, lui, s'était basé à Helsinki, évidemment, la capitale. Mais très vite, tout ce beau monde a déménagé à Barcelone. Certainement attiré par un soleil qui manquait un petit peu chez eux, des humeurs probablement un petit peu plus chaudes. Et en cela, accompagné, c'est Jimmy Tenor, un des fleurons de l'équipage Sarco Recording, qui descend le premier à Barcelone. Et puis, à sa suite, Tommy Granlund, le boss du label. Suite à ça, effectivement, Panasonic et présentement, en tout cas, Mika Venio. Donc le reportage, c'est à Barcelone qui se situe. Et qu'est-ce qu'on y voit dans ce reportage ? Cherchez-le en ligne, il n'est pas rare, vous le trouverez, ça, y a pas de problème. On y voit Björk, qui va justement dans l'atelier de Mika Venio. Et Mika lui fait découvrir ces fameux objets que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces boîtes à musique d'un nouveau genre, construites par les Tannen, la fameuse cigar box, la fishing box, et avec une démonstration de ces sons-là. Et la scène est touchante. Björk est amoureuse des sons qui sortent de ça. Et finalement, j'ai paraphrasé exactement ce que disait Björk, c'est-à-dire qu'elle admire ces sons-là, et elle admire chez Mika Venio, et comme chez Tommy Granlund d'ailleurs, qui complète la suite du reportage, cette capacité à transformer des sons bruitistes, et qu'on ne jugerait pas beaux, en quelque chose de beau, et en quelque chose de poétique. Et c'est bien sûr exactement ce qui se passe dans ce disque, et je le répète, principalement sur ces morceaux de l'entre-deux qui vont constituer finalement le corps de l'album, mais un corps très élastique, pas forcément préhensible. Et cette structure, j'insiste, on va la retrouver dans les disques solos de l'un et l'autre, on va les retrouver dans les autres albums de Panasonic qui vont suivre par la suite. Alors c'est intéressant d'observer un petit peu aussi que Mika Venio a lui une carrière solo qui est intéressante, et surtout que c'est une carrière qui va croiser d'autres gens. Je ne vais pas tous les nommer, mais notoirement, et c'est très intéressant parce qu'on n'aurait pas pensé que ça se ferait de facto, Mika Venio, et puis d'ailleurs le groupe, le duo va croiser, et sur deux albums, Alan Vega. Ben oui, monsieur Alan Vega, Suicide. C'est pas si bien que ça en plus, mais... Ça, c'est un avis perso. Et de fait, on pouvait mettre la barre tellement haute, on rend compte celle-là qu'on peut peut-être être déçu du résultat. Qu'est-ce qui veut dire que c'est un mauvais ça montre un petit peu cette étendue de vision qu'il y a chez l'un et l'autre, finalement. Elle n'est pas si fréquente à l'époque. Je leur dis, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans le préambule, avant l'écoute de cet album en entier, Kulma, on doit peut-être à Mika Venio et Panasonic d'avoir été parmi les principaux artisans de cette abolition des frontières entre une culture électronique à l'ancienne, un peu scientifique, celle issue des labos de recherche, GRM en tête, et puis celle exprimée par ces nouveaux trublions super doués, qui enfin vont trouver un terrain d'entente, et durable. Enfin, c'est fait, quoi. Le festival Présence électronique du GRM en est la preuve archi-vivante. Quant à ceux qui, parmi vous, et ils sont certainement quelques-uns, si ce n'est nombreux, qui ont assisté au concert du GRM à la grande époque de Présence électronique quand ça avait lieu à la Maison de la Radio, à l'immense studio 104, d'un live absolument tellurique et sublime de Panasonic. Renversant. prends des plus grandes expériences de l'Avectro. J'ai juste jamais entendu tout genre confondu. C'était immense, c'était porté par une onde de choc incroyable et c'est jamais retombé, quoi. La puissance d'une rêve, mais sans le kick. Quelque chose de rare et probablement comme ça qui sort, on ne sait comment. Du vaudou, finalement. L'histoire finit mal. On l'évoque. Et en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, mais Mickey Avenue va mourir tragiquement à 53 ans, plutôt récemment. Hein. C'était en 2017, me semble-t-il. Je n'ai même pas pris le soin de marquer un petit peu cette chronologie dans la bio, mais c'est ça. Et Mickey Avenue va mourir d'un accident, d'une chute. Alors, il tombe d'une falaise à Trouville-sur-Mer, en France, à Trouville. Et voilà, il tombe d'une falaise, soit d'un éthylisme total, soit accident, soit suicide. Voilà, point d'interrogation. Évidemment, pas de réponse sur une question comme celle-là, mais juste un drame auquel on s'attend pas, quoi. On est beaucoup à avoir pleuré cette disparition-là. Un témoignage très, très touchant et que je vais reprendre ici, ben c'est celui du copain de toujours, c'est Tommy Grönlund, justement. Le fondateur de Sarke Recording, et qui lui aussi habitait donc à Barcelone, avec Mickey Avenue qui avait été le rejoindre pas très longtemps après que lui soit installé. Et il nous dit ceci, je le lis texto. Mickey avait un vieil appartement magnifique dans le quartier de Poblenou. Poblenou, c'est le quartier branché presque face à la plage de Barcelone. Et donc Tommy Grönlund poursuit, il avait un évier de cuisine en marbre, avec des traces profondes faites par l'eau courante et le temps. À Barcelone, Mika s'est intéressé au vin. Et je me souviens qu'il avait une cave à vin magnifiquement organisée dans son armoire à vêtements. Alors là encore, il s'était beaucoup trop soigné, poursuit-il. Et après le week-end sauvage des Woodmen, c'était en 1999, où Panasonic avait organisé une fête reggae sur la plage. C'était dans le cadre du festival Sonar, qui était extrêmement important à l'époque. Oh, et c'est devenu encore plus important après. Mais à ce moment-là, c'était à la fois important et happy few, quoi. Quelque chose d'initié. Donc, suite à cette fête sauvage, et ça, c'est la traduction mot à mot de ce qu'écrit Tommy Grönlund, Panasonic et ses amis ont fini de boire toutes les bouteilles de l'étagère ensemble. Et la dernière bouteille ouverte, le lundi matin, peut-être que la fête elle était forte, c'était quand même une bouteille de Petrus, vin préféré de Mickey Avenue, et aussi, le note Tommy Grönlund, vin préféré de Francis Bacon. Le Petrus, mais potentiellement un vin préféré par beaucoup, c'est un vin très coûteux, comme vous le savez, et très rare. C'est touchant ce témoignage. Hein. Tommy Grönlund l'écrit dans le Wire à la suite de la mort, en fait. Hein. De son ami. Il poursuit, et ça confère à l'anecdote quelque chose de très beau aussi et d'assez personnel. Là encore, Tommy Grönlund parle. J'ai toujours une préférence personnelle pour les morceaux subtils et calmes de Mika. Au début des années 90, je lui ai suggéré d'écouter Harold Budd. Bien sûr, Harold Budd. Pensez à la rencontre Budd Eno, l'ambiante number two. Harold Budd a une existence lui personnel aussi extrêmement importante. C'était moi ma parenthèse pour citer Harold Budd. Je prolonge cette citation de Grönlund. Il m'a regardé d'un air amusé et m'a dit qu'il avait ses disques depuis le début des années 80. Et le lendemain, il me les a tous donnés. L'été dernier, Mika m'a dit qu'il correspondait avec Harold Budd depuis quelques années et qu'il correspondait avec des lettres manuscrites. Voilà, il y avait cette correspondance épistolaire, manuscrite, il convient d'insister, entre les deux hommes, et pas du tout de la même génération. Harold Budd est mort aussi relativement récemment, mais à un âge plus élevé que Mickey Avenue. Voilà, bah pour être en correspondance, en symbiose, et j'avoue être assez d'accord aussi avec cette préférence sur des titres calmes, mais quand même extrêmement habités de Mickey Avenue. Justement, je propose qu'on s'évade avec un morceau, Anxiolyity, anxiogène, anxiolité, ça se traduit finalement assez facilement, qui me paraît sous le nom de Philus, c'est un des pseudos que va utiliser Mika Vegno. À ma connaissance, il n'y a qu'un album d'ailleurs, qui sort justement sur Sarc Recording en 1999, donc on est quand même 2 ans après le disque, là, Kulma. On est dans ça, quoi. Il nous reste 20 minutes. Le morceau, à lui tout seul, fait 13 minutes. Et ma foi, du coup, je nous offrirai probablement un petit morceau de sortie, peut-être plus rythmé, et qui nous mettra sur un des premiers pseudonymes de Mika Vegno et sur son album Métri, paru sous le nom de E. Donc E comme ce O barré, qui est une lettre très importante dans les pays du Nord, mais qu'on n'utilise pas, nous, ici. Donc on va faire comme ça une espèce de jump back and up entre 1997, la sortie de cet album de Philus et le morceau Anxiolyty, et un titre, lui, de 1993. Merci d'avoir été extrêmement à l'écoute et probablement aussi touché que moi par l'écoute de cet album crucial de Panasonic, ou Panasonic, on pouvait encore dire les deux à ce moment-là. Kulma, 1997, et puis bah, surtout de se remémorer l'histoire fondamentale, absolument fondamentale de ce groupe et qui, à l'évidence, n'a pas pris la moindre ride. Thank you. Continue.